En conduisant, il est interdit de tenir un téléphone à la main. Quand le véhicule n'est pas équipé d'un kit main libre, la seule solution est de s'arrêter pour répondre ou appeler. Mais il n'est pas question de s'arrêter n'importe où. Les endroits dangereux, les voies réservées à d'autres usagers ou les emplacements d'urgence ne sont pas destinés aux conversations téléphoniques. Pas question de se placer sur la bande d'arrêt d'urgence en 1, ni sur l'emplacement d'arrêt d'urgence en 2. La meilleure solution est de laisser le répondeur prendre le message, puis de m'arrêter sur la prochaine aire de repos pour rappeler mon correspondant. Réponse B et D.